bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de La Cellule. Comme vous le savez, sur le podcast de La Cellule, on fait des podcasts sur Sens Exalogie, mais également des podcasts sur le jeu de rôle en général, sur les théories rôlistes également. Aujourd'hui, j'ai réuni une Dream Team, la même Dream Team que dans le podcast sur le JDR Indie. J'ai bien sûr nommé Fabien Ilvine. Fabien, salut. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, la pêche depuis la dernière fois? La pêche, ouais, à fond. T'as pas l'air très bien réveillé, là. Apparemment, si, hier si, soir, si, t'as si, fait une espèce de noce ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. On a eu du jeu de rôle jusqu'à 5h du matin. On va survivre. Avec nous également pour présenter ce podcast, Frédéric Saintès. Bonjour. Ça va, la forme? Un peu pareil, du jeu de rôle jusqu'à 5h du match. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a joué la même partie en fait. Également avec nous, Christophe Beuclet. Adieu. Pourquoi adieu? C'est ce qu'on dit en Suisse, dans certains coins en tout cas. Ah d'accord, ok. Chez les familles, c'est pareil, adieu. Ça marche. Toi, t'as l'air d'avoir la pêche, toi. Ouais, je suis à bloc. Toi, t'as l'air. Toi, t'as l'air d'avoir. Et puis toi, ça va, Rome? Ah bah écoute, ouais, ça va, nickel. Alors aujourd'hui, le thème de ce podcast, c'est le big model, le gros modèle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ça va être un petit peu le thème de ce podcast. Alors, la question est tellement vaste que finalement, on a décidé de la présenter un peu de manière originale. Fabien et moi, Fabien, vous cuisinez. On va vous, exactement, allez, on va vous cuisiner vous, parce que Frédéric Saint, enfin Saintès, pardon, et Christophe Beuclet sont deux spécialistes en fait du big model et donc, enfin, francophone, hein, parce que bien sûr. Surtout Christophe. Outre-Atlantique, il y a bien sûr d'autres. De combler un peu éventuellement si jamais j'ai des idées. Mais bon. En fait, ouais, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on va présenter ce podcast de la manière suivante. Nous, on va un petit peu chercher à vous cuisiner, à vous poser des questions que se posent peut-être les gens sur cette chose. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Fabien, je te laisse commencer les hostilités. Alors, je vais commencer par une question qui est un peu bizarre, mais qui est vachement importante. C'est à quoi ça sert le big model? Ça m'apporte quoi, moi? Enfin, ça m'apportera quoi une fois que j'aurai fini d'écouter ce podcast comme joueur? Comment ça change mon jeu de rôle? Comment ça change mes parties? Alors, qui veut répondre? Frédéric. Alors, donc moi j'ai découvert le big model parce que c'est Christophe en partie qui m'en a appris la majeure partie. Ouais. En fait, ça permet des fois de mettre à jour certains fonctionnements dans le jeu de rôle qui sont souvent inconscients, qu'on a tendance à faire par habitude ou par habitude principalement. Ça révèle un certain nombre de processus à l'œuvre. Bon, bien sûr, c'est une modélisation, c'est une théorie, donc ça ne dit pas forcément des choses absolues auxquelles on doit dire amen, mais ouais. En attendant, ça offre quand même véritablement un outil qui nous permet d'analyser ce qu'est le jeu de rôle, fondamentalement, mais toujours en considérant qu'il s'agit de ce qui est observable, pas de ce qui se passe dans la tête des gens. Toutes les parties peuvent être définies dans le cadre de cette théorie. Tout type de partie, toutes les habitudes de jeu peuvent être discutées, définies par la théorie. Christophe? Ouais, carrément. Ouais. On peut analyser en tout cas, plus que définir. Ouais. Mais tout ce qui est du jeu de rôle est censé être analysable par cette grille de lecture qu'est le big model. D'accord. Une question peut-être un peu plus concrète. Ouais, c'est que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas le big model et ses origines. D'où est-ce que ça vient? Alors le big model est un ensemble de théories qui ont été développées au fil du temps sur The Forge. Ouais. Un site anglo-saxon sur le jeu de rôle dédié au jeu de rôle indépendant, puis dont on la parlait la dernière fois. Rôle, voilà. Les contributeurs principaux sont Ron Edwards, Vincent Baker, Ben Lehman, on aurait encore d'autres, Ralph Mazza, qui sont tous aussi des auteurs de jeux de rôle, essentiellement. D'accord. Et qui, en fait, ont coulé dans cette théorie des choses qu'ils ont découvertes en jouant, qu'ils ont découvertes en écrivant leur propre jeu, et ils ont tenté d'en faire quelque chose de globalement cohérent. D'accord. Bien que il y a plusieurs détails sur lesquels les gens ne sont pas vraiment à 100% d'accord. Il n'y a pas de. Donc en fait, c'est une bible finale qui dit c'est comme ça que tu analyseras le jeu de rôle. D'accord, parce qu'en fait, c'est une collectivité de papiers finalement qui ont été rassemblés et puis on l'a appelé ça le big model. Alors, ou alors il y a vraiment un théoricien quand même qui. Il y a, Il y a une évolution d'articles qu'on peut consulter justement sur la Forge, qui ont en revanche quasiment ou tous été écrits par Ron Edwards, qui dit bien qu'il s'est inspiré des discussions avec ces autres personnes, et toutes sortes de gens qui sont passés poser des questions. Et donc il y a une bonne partie qui a été traduite en français par PTG-PTB. PTG-PTB a traduit les premiers articles. Ouais. D'accord. Le système est important. Ou ça c'est Ron Edwards à peu près seul, si je me rappelle bien, qui a dit bon ben on peut dire ce qu'on veut, mais finalement le système est important. D'accord. Alors, je caricature à fond, mais justement, puisqu'on commence, il donne des arguments très importants à ce sujet. Peut-être justement revenir un peu à ta question. Ça y est, le marronnier est parti. À quoi ça sert là, Fabien? Je sais pas. À quoi ça sert? Est-ce que bon, on peut avoir un exemple précis de ce que ça permet de réaliser le big model? Je pense pas, non, qu'on peut avoir d'exemples précis sur. Je ne saurais pas dire, voilà, ce jeu, c'est un pur produit du big model. Ouais, mais alors, un mécanisme de jeu ou. C'est une théorie qui permet une certaine prise de conscience, comme l'expliquait Frédéric au début. Ouais. Et qui ensuite nécessite la créativité de l'auteur pour arriver à quelque chose. Donc, ça reste très, très vaste en termes d'application. D'accord. J'ai peur de dire, voilà, ça c'est. Lisez le big model, ensuite vous saurez écrire un jeu de rôle. C'est pas ça que j'ai envie de dire. D'accord, ok. Mais lisez le big model, rendez-vous compte de certains mécanismes qui sont à l'œuvre en jeu de rôle. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, peut-être vous êtes d'accord, mais prenez-en conscience, réfléchissez-y, et ensuite, éventuellement. Si quelque chose clochait dans vos parties de manière générale, allez-y. Ouais, j'ai vraiment l'impression, tel que tu nous présentes Frédéric et tel que nous en train de nous présenter Christophe en ce moment, que c'est un espèce de dictionnaire pour bien dire ce qui se déroule au cours d'une partie, bien expliquer ses problèmes et ses soucis. Je me trompe ou pas, Fred? Tu voulais intervenir? Oui, en quelque sorte. Alors, il y a en effet, c'est dans LNS et autres sujets de théorie rôliste, Ron Edwards dit premièrement, déjà, je m'adresse à ceux qui ne sont pas satisfaits par leur activité rôliste, et mon but est de leur donner un certain nombre de concepts avec lesquels ils vont pouvoir finalement discuter de leurs attentes et pouvoir peut-être régler certains problèmes qu'ils vont rencontrer pendant leur partie. D'accord. Ouais, ça c'est vraiment un super projet. Fabien, tu avais une question à poser tout à l'heure à Christophe, je te voyais. Est-ce qu'on peut à ce moment-là enchaîner sur les processus parce que là on parle de processus dans l'abstrait, mais alors c'est quoi les processus dont parle le big model? Alors là justement c'est un petit peu le travers dans lequel on voulait pas tomber dans ce podcast, c'est pas faire de trucs trop spécialisés sur chaque, mais parlez-en un petit peu. Je vais peut-être faire un rapide survol. Mm-hmm. Ouais. Vas-y Christophe. Par rapport à ce que tu disais sur le système est important, il y a quelque chose que j'aimerais peut-être amener. C'est Ben Lehman, il me semble, qui dit en fait, beaucoup de rôlistes disent les règles du jeu, on s'en fout, on peut les changer, on peut les remplacer. D'accord. D'une certaine manière, ce qu'il dit, c'est quand on joue au Monopoly, on s'amuse pas à faire ça. Donc, si on s'amuse à le faire et qu'on considère que le système ne sert à rien, en tout cas les règles, on va dire, ne servent à rien, c'est que sans doute ce sont de mauvaises règles qui sont présentées à la base. Oui. Si on peut les remplacer et améliorer notre expérience de jeu, c'est que ces règles finalement n'ont pas vraiment n'apportent rien au jeu, rien à l'expérience ludique. Donc le big model sert aussi peut-être, à un certain moment, à se dire quelles règles sont valables. D'accord. Pour jouer. On avait consacré à un moment donné, c'était dans cette session de podcast, un podcast sur le système. Et moi je défendais justement aussi cette idée là, alors ça me plaît bien le big model là. Christophe, tu voulais faire un petit survol des concepts rapidement du big model? Voilà, je crois que ça peut valoir la peine de se rendre compte à quel niveau opère le big model. Ouais, carrément. Il est, dans un premier temps, il distingue essentiellement quatre justement niveaux de détails. Et le truc vraiment important, c'est qu'il commence par parler de l'aspect social du jeu de rôle. On commence par dire, bon, on peut dire tout ce qu'on veut sur les personnages, l'univers, etc. N'oublions pas, Et gardons vraiment à l'esprit que le jeu de rôle est une activité de groupe. Mmh. Et ça, ça constitue le premier niveau. À partir de là, quand il y a une volonté de jouer un jeu entre ces gens qui, dans le groupe, on va entrer dans ce qu'on appelle le niveau de l'exploration. L'exploration, c'est essentiellement ce qu'on appelle plus régulièrement faire du jeu de rôle. D'accord. C'est décrire des événements. Jouer au jeu de rôle. Voilà. Ouais. Décrire les événements qui ont lieu, tel et tel personnage dit ça, tel et tel personnage fait ça, mais pris sur toute la durée de la partie. C'est vraiment ce qu'on a tendance à prendre pour l'activité du jeu de rôle. Donc ce qui se passe autour de la table, j'ai envie de dire dans la réalité, puis ensuite, dans un deuxième niveau, ce qui se passe autour de la table un peu en termes de partie, quoi. Voilà, en termes de sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a une même quand on mange des pizzas en jouant à un jeu de rôle, par exemple, quand les joueurs mangent des pizzas en jouant à un jeu de rôle, ça fait partie du niveau social. Carrément, oui. D'accord. Ouais, ouais. Et par contre, en revanche, lorsqu'il dit « mon personnage fait telle chose, ok, fais un jet de machin », ça fait partie du deuxième niveau que tu cites. Je me trompe ? Voilà. Après, on va rentrer sur deux niveaux. On a le niveau des techniques. Ce sont l'ensemble des procédures qu'on applique tout au long de la partie pour jouer. D'accord. Que ce soit le système de dés, que ce soit le fait qu'on ait un MJ qui ait préparé un scénario et qui va faire jouer ses joueurs. D'accord. Ce sont différentes techniques qu'on met ensemble. Et d'un moment à l'autre, quand on est vraiment sur le vif, dans le vif, je lance un lancer de dés, je lance des dés, je consulte un tableau, je dis quelque chose à un MJ, ou bien en tant que joueur, je ris parce que la scène est drôle. Ouais. Tous ces petits événements ponctuels, on appellera ça des instantanés. Ça c'est quand même excellent. C'est-à-dire que le big model considère que finalement le MJ qui arrive avec son scénario prêt à le faire jouer à ses joueurs, ce n'est qu'une technique parmi d'autres en fait. Alors que pour beaucoup, c'est le jeu de rôle ça. Je veux dire, c'est uniquement ça le jeu de rôle. Et nier cela, c'est nier le jeu de rôle. Alors que là, en fait, le big model considère qu'il s'agit juste d'une technique parmi tant d'autres, si j'ose dire. Voilà, une technique souvent utilisée, qui peut très bien fonctionner. Mais justement, ça, c'est en mettant dans ce contexte plus large, on va peut-être une fois se dire, ah bah tiens, si on faisait autrement. Donc là, on peut répondre déjà un petit peu à la question de Fabien aussi. C'est à quoi ça sert le big model? Enfin, moi, j'ai l'impression, en vous écoutant en tout cas, que ça sert aussi à prendre du recul vis-à-vis de sa propre pratique. Enfin, c'est ce que tu disais, ce que signalait Frédéric au début. Et là, c'est clairement évident. Frédéric, tu voulais intervenir pour compléter les propos de Christophe ou non? Non, bah, d'une certaine manière, c'est vrai que là... Ouais, moi, je voulais souligner, en effet, on est des individus autour d'une table en train de jouer. Et ça, c'est très important parce que ça crée une dimension... ouais, on va s'intéresser aux synergies entre les personnes présentes dans leur possibilité de faire des choix, de proposer des choses, la situation. On va voir que la situation, c'est quelque chose de central, bien entendu, dans le jeu de rôle. Et surtout aussi que les pratiques étant dans ce qu'elles sont... Qu'est-ce que tu appelles la situation pour nos auditeurs, hein? La situation, c'est... C'est quelque chose justement qui se situe au niveau social ou plutôt au niveau... Alors on va le voir après parce que ça fait partie des éléments de l'exploration. C'est quand un personnage rencontre l'univers, en fait. Ah d'accord, ok. Parce que la situation, ça aurait pu être aussi 4 joueurs qui se rassemblent pour jouer à un jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Alors là, c'est le contrat social, 4 joueurs qui se réunissent pour jouer à un jeu. Ce qui est important, c'est finalement qu'on se rend compte parfois que il y en a qui sont pas là pour jouer, qui sont là pour passer un bon moment, mais ils pourraient faire une partie de poker ou boire une bière en discutant de leur journée de travail. Ce serait aussi bien pour eux, voire peut-être des fois mieux. Donc il y a des contrats sociaux qui sont fonctionnels d'une certaine manière déjà, et d'autres qui le sont un peu moins. Si on admet que tout le monde est là pour prendre plaisir à partir de l'exploration, c'est-à-dire l'exploration se base toujours par rapport j'emploie un gros mot, à la fiction. C'est-à-dire que on rencontre des fois des tables de jeu qui disent faire du jeu de rôle et finalement ne font que lancer des dés sans véritablement générer de fiction. Il y a d'autres fois où on fait de la fiction pure sans forcément lancer de dés. Les pratiques en jeu de rôle sont tellement variées. Ouais. Que c'est extrêmement difficile finalement de se comprendre quand on n'a pas la même culture du jeu de rôle. C'est marrant, ça me fait vraiment penser, parce que je l'ai réécouté depuis maintes et maintes fois, mais au podcast qu'on avait enregistré la dernière fois sur le JDR Indie. Fabien, est-ce que tu as d'autres questions pour relancer un peu tout ça? Oh, je te vois prendre tes notes là. Oh, oh, oh, ça va blaster les gars. Attention. Grenade. On peut utiliser un joker ou appeler un ami. Non, enfin moi, est-ce que vous avez un qui veut gagner des millions en Suisse? Enfin, un équivalent. Bah, on capte la télévision française quand même. Ok, d'accord. Oh, les pauvres. Oh là là là là là. Ouais, c'est clair. Alors là, c'est pas un cadeau. On va pourrir les Suisses. Mais en Suisse, on n'a pas envie de gagner des millions. On est tous millionnaires. ce que je comprends. Enfin, bon, j'ai des questions encore. T'inquiète, mais. Oh là là. Que oui, je m'en doute. Ce que je comprends du big model, d'après ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles que ce qu'on nous raconte ou ce qu'on se raconte habituellement. Finalement, il y a beaucoup de choses qui sont contingentes, c'est-à-dire qu'on pourrait ne pas avoir certaines techniques comme le scénario, comme le meneur, comme plein de trucs, et que à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses qui n'existent pas encore, mais qu'on peut inventer, qu'on peut développer. Alors, comme ça n'existe pas encore, j'ai du mal à définir ce que c'est, mais ouais, bien sûr. Voilà, c'est un peu l'enseignement, le premier grand enseignement que je comprends d'après ce que vous me dites. Ouais, je pense que c'est ça le premier rapport qu'on a. Et justement, cette réalisation-là, comme je disais au début, ne permet pas, tel quel, de remplir un formulaire de recette, enfin, suivre une recette et créer un jeu de rôle. C'est juste un constat dont l'auteur va se saisir. Tout est possible. Et ben après, c'est à lui de bosser quand même. Mais il y a quand même le modèle, hein, il y a quand même le cadre. Voilà, sans contrat social, pas de parti, par exemple. Alors, juste, ouais. Alors bon, on pourrait peut-être revenir sur ce truc de contrat social, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu souvent sur les forums. Moi, je vois ça, contrat social. Moi, ça me fait tout de suite penser à Jean-Jacques Rousseau, et c'est tout. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu quel sens ça a dans le big model. Frédéric. Bon, j'ai remarqué que d'ailleurs c'est un terme galvaudé, le contrat social. J'ai remarqué qu'il était parfois utilisé pour. Je vois Christophe qui dit oui. Établir certaines des techniques de jeu auxquelles on ne pense pas forcément, des habitudes. Par exemple, le MJ a tendance à jamais lâcher l'affaire quand les personnages essaient de baratiner un suspect dans une enquête ou quoi. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie des techniques. Le contrat social, voilà, c'est on est ensemble pour jouer, comme je l'ai dit juste avant. Et déjà là-dedans, il y a quelque chose d'important parce que on se rend compte que ne serait-ce que les relations entre les personnes peuvent influencer grandement la qualité de la partie. Mmh. Voilà, donc je sais pas s'il y a beaucoup plus à dire, si tu as d'autres choses, Christophe, à apporter à ce niveau-là. Christophe, ouais. Non, je crois que c'est. Il n'y a pas un ensemble de règles tacites, en fait, genre bon. Bien sûr, ouais. Genre, par exemple, un truc typiquement dans les jeux de rôle où la division, par exemple, des personnages joueurs entraîne l'ennui de certains autres, on va chercher à se rassembler forcément et on va éviter de quitter la table pour aller vivre une histoire d'amour si le scénario que le MJ a préparé, c'est de battre un dragon et de récupérer un trésor dans le donjon. Ça fait pas partie du contrat social, le fait de respecter certaines règles comme ça, du genre on reste en groupe, Christophe. Ouais, quand même. Le groupe va se réunir parce qu'il a envie de jouer à un jeu donné. D'accord. Dans l'idéal, je dirais. Effectivement, donc si on ne s'est pas mis d'accord sur ce à quoi on va jouer, on va avoir des situations, risque de voir des situations comme tu le décris apparaître où, en fait, il y en a un qui veut draguer la princesse, l'autre qui veut aller dans un donjon tuer des rats pour monter de niveau. Tuer des rats, ça me fait penser à Zelda. Il va vouloir casser des pots pour trouver des rubis. Alors même que le groupe s'était réuni pour faire du jeu de rôle. Donc il y a vraiment la question de est-ce qu'on veut jouer à un jeu de rôle, si oui, lequel, est-ce qu'on est bien d'accord sur ce que ça veut dire. Donc ça, je pense que ça fait partie du contrat social. Il y avait un texte que je trouvais, moi, extraordinaire. Qui est dans le bouquin d'Olivier Caïra, Les Forges de la Fiction, le chapitre 10. Le chapitre 10 parle des... Ah oui, le chapitre 10, de la page 132 à la page 148. Exactement. Exactement. Dans lequel il parle des exigences, c'est-à-dire quelles sont les attentes en fait, qu'on peut avoir pour le jeu de rôle en tant que joueur. Et il fait une toute une liste, il parle de la progression. Donc j'ai envie que mon personnage d'aventure en aventure devienne de plus en plus puissant. Il y a le mystère, c'est-à-dire enfin plus exactement la résolution d'une enquête. Il y a le fait d'apprendre de nouvelles connaissances. Il y a tout un tas de choses et enfin je pense que j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire comment on va s'amuser dans notre jeu de rôle. Qu'est-ce qui va nous... Exactement, ça c'est un point de départ très important pour passer vraiment de ce niveau d'analyse du contrat social à l'exploration. D'accord. Si ça c'est pas clair, tout ce que tu viens d'expliquer, il y a des chances que le groupe s'arrête de jouer un moment puis doivent s'expliquer sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. MJ, ouais. Tu nous as trompé, on voulait pas faire d'enquête, on voulait tuer des monstres. D'accord. Et ça, je crois que c'est le deuxième... grand enseignement, enfin j'ai l'impression, de toute cette réflexion. C'est-à-dire, il y a différentes manières de s'amuser, et il faut que d'une part on soit relativement d'accord sur les manières de s'amuser qui nous intéressent, hein, et qu'en plus il faut que le jeu nous permette aussi d'y arriver. Oui, alors bien sûr, Olivier Cayra n'a pas participé au Big Model, hein, au cas où certains se poseraient la question. Néanmoins, c'est intéressant de voir en effet qu'il y a des passerelles entre différentes théories. Ouais, c'est sûr, oui. Je pense que tu fais bien de le citer parce que ça c'est... De quoi ? De citer Olivier Cayra qui a une autre analyse peut-être. Oui, mais il se rejoint. Qui par d'autres biais revient souvent à des conclusions similaires. Et en plus, ça existe en français, donc c'est cool. Les auditeurs peuvent aller le lire. Ouais, les Forges de la Fiction, édition CNRS. Beaucoup de rôlistes le connaissent déjà. Mais le chapitre 10. On a eu l'honneur, nous, de l'avoir sur un de nos podcasts, présent sur le podcast sur la religion. Il nous a sorti des anecdotes croustillantes, c'était vraiment sympa. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, Olivier Cayra n'a pas participé au Big Model. Je crois même qu'il a dit qu'il n'avait pas eu trop envie de s'intéresser. À ce que disait la Forge pour éviter pour partir vraiment d'analyse brute et puis trouver ses propres réflexions quoi en fait parce que la Forge c'est quand même un truc qui existe, ça existe depuis combien de temps finalement la Forge, ce Big Model? 2000 ans. Ouais, donc c'est l'Odyssée de l'espace. Alors en fait, bon, le Big Model est exactement non, le Big Model est venu ensuite, je crois que l'article le système à temps important a été écrit en 98, hein, traduction romarique. 98 pour je crois que c'est bon, hein, les Français sont habitués, j'espère. Et 98. Ensuite, la Forge a été fondée en 2001, c'est tout ça. Et les discussions ont continué sur la Forge. Et je pense que le LNS et d'autres sujets de LNS. Théorie rôliste. Ah, bah justement. Est sorti par rapport à ces alentours là. Je ne me rappelle plus la date, mais... Ouais. Mais faudrait-il que le Big Model est une théorie plus avancée? D'accord. attention à ton micro, est-ce que tu es en train de commencer... Tu es en train de t'exciter. Tu es en train de te fâcher, là. Il y a l'exploration qui est tout de même... ça me paraît être le cœur, mais si tu as une question à poser, vas-y. Fabien, tu avais quelque chose à la tête. Justement, t'as l'air d'avoir été saisi. Moi, la question dynamite que j'avais envie de poser, c'est quoi le LNS? Alors un autre podcast. Ouch. Vite, un autre podcast. Non mais allez, il faut en parler, ça fait partie du. Le LNS. Est-ce qu'il faut pas parler d'abord d'exploration avant de parler de LNS? Je sais pas ce que tu en penses, Christophe. Alors, faut savoir que Christophe, quand même, a son PC ouvert avec la Forge. Il est sur le forum de la Forge tandis qu'on discute, quoi. C'est avec vraiment le fanboy. Voilà, c'est pour vérifier les dates. Qu'on soit sérieux et qu'on raconte des choses vraies, parce qu'on a des auditeurs là. Parfois, ouais. Exigeants quand même. Et qui ont raison de l'être. Alors. Je me demandais effectivement si ça valait la peine de commencer. Tout de suite par le GNS. Dans l'exploration plus précisément, ou si on n'est pas un peu se perdre dans un catalogue de qu'est-ce que c'est l'exploration, qu'est-ce qu'il y a dedans, alors que justement Fabien a bien amené la discussion sur quelles sont les attentes au niveau du contrat social et comment ça nous permet de plonger dans le contrat social, parce que finalement c'est le LNS, qui est un acronyme pour ludisme narrativisme simulationnisme. Voilà, c'est ça. Et en fait, le vieux terme qui a été supplanté dans le Big Model par le concept de démarche créative. D'accord. Qui est justement cette volonté de jouer d'une certaine manière, de s'amuser d'une certaine manière, qui prend naissance dans le contrat social et qui entre à travers l'exploration, passe à travers les techniques, jusqu'à l'instantané, à chaque moment de la partie. C'est une espèce d'analyse qui traverse ces quatre niveaux, en fait. D'accord. Alors, comment on s'amuse quand on est ludiste, par exemple? Je pose la question parce que les trois termes sont très très utilisés. Ah ouais, ouais. Galvaudés aussi. Complètement à tort. J'ai peur que si on commence directement par dire qu'est-ce que c'est le ludisme, on perd la notion. Attention, ton Christophe micro, j'allais dire. Ton micro Christophe. C'est le terme, le micro qui tient Christophe. J'espère donc. Pas. Ouais, si on entre tout de suite dans la définition de ce qu'est le ludisme. On a peut-être oublié de préciser de quoi on parle. D'accord. À la base. Oui. Okay. Alors de quoi on parle ? On parle donc de démarche créative. Ouais. Quelque chose qui peut avoir lieu dans n'importe quel jeu de rôle, peu importe le jeu auquel on joue, c'est quelque chose qui va analyser la dynamique entre les joueurs. La dynamique par rapport à ce qui est créé dans l'exploration. On est au niveau social, là. Jeu de rôle. C'est une analyse transversale dans le sens où, effectivement, bon, ce sont les joueurs, donc niveau social, mm-hmm. qui vont avoir une certaine dynamique entre eux par rapport à ce qu'ils créent en faisant du jeu de rôle. D'accord. Ce serait sympa de donner un exemple pour nos auditeurs, quand même. C'est très théorique, et c'est un peu casse-gueule de donner des exemples. Pour la raison suivante, c'est que si je vais donner un exemple, je vais forcément m'arrêter. Je vais donner un exemple de scène concrète. Voilà, il y a un chevalier qui défie un autre. D'accord. Voilà, les joueurs sont tout excités. Ah, ça va cogner. Mais en fait, la démarche créative, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée de toute la partie. D'accord. C'est-à-dire même sur plusieurs parties. Et donc, regarder ce qui se passe pendant une scène, c'est un peu comme essayer d'identifier un organisme comme un animal entier à partir de la cellule de sa peau. Oh, quelle comparaison extraordinaire. Non, mais je vois tout à fait ce que donc, tu veux dire. Pour avoir, la cellule de la peau d'un chien n'est pas le chien. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train de nous expliquer là, c'est que c'est l'ensemble d'une partie qui s'inscrit soit dans une démarche créative narrativiste, soit dans une démarche créative ludiste, soit dans une démarche créative simulationniste. Mmh. C'est ça ? Donc ça veut dire qu'on peut pas, si on étudie, il n'y a pas de moment narrativiste, il n'y a pas de moment simulationniste, il n'y a pas de moment ludique, il n'y a que des parties. Par exemple, Christophe qui me reprend. Ouais, ludiste. Ludiste. Pas ludique. D'accord. Oui. Ludique est un adjectif du vocabulaire courant qui s'applique à toute l'activité rôliste qui est ludique. D'accord. Le ludiste, tout ce qui est le jeu. Par définition. D'accord. Fred. Je te laisse Fred continuer. Oui, en effet. Par exemple, je te dis, là, je suis un chevalier, je brandis mon épée, j'en appelle aux forces de ma religion, etc. Et j'essaie de trucider un troll. Mon ami à côté me dit fais gaffe, attention, voilà. Bon, ça, on ne peut pas dire si c'est en effet ludiste, narrativiste ou simulationniste. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors, il faut savoir d'ailleurs que ces trois termes ont été remplacés parce que, bon, il y a pas mal de confusion. D'accord. Et donc aujourd'hui, plutôt que de parler de narrativisme, on va parler de l'histoire maintenant. En fait, le principe, c'est qu'on crée ensemble et on a les mêmes attentes. Ces attentes, c'est finalement de vivre une histoire vraiment et de pouvoir créer de manière collective et collaborative. Donc si y a un MJ qui a un scénario hyper bien ficelé, que les joueurs ne font que dire je vais à droite, je vais à gauche, je le tue, non, je suis pas d'accord avec lui, ben, en fait, on ne peut pas dire qu'on a une démarche créative et encore moins narrativiste en fait, ou story now, alias histoire maintenant. D'accord. Le simulationnisme, on a aussi un gros problème, c'est qu'en France, depuis pas mal d'années, le simulationnisme, ça définit des jeux dont le système a une modélisation très, très complexe. De ce qui se passe dans l'univers, de ce qu'on peut faire en fait. Effectivement, on confond un peu vite simulationnisme et simulation en fait. Tout à fait. Au sens de simulation réaliste, comme des simulations de vol dans le jeu vidéo, voilà, etc. Alors je pense que le terme avait été choisi par Ron Edwards parce que quand même, ça prend racine là-dedans. Mais on peut faire, on peut avoir des parties d'une démarche créative simulationniste qui en réalité n'ont rien à voir avec un système de règles extrêmement complexe. Ça peut être très simple et on est basé sur ce qu'on appelle le déni constructif. Okay. Voilà, c'est-à-dire Non, juste moi je voulais proposer à Frédéric d'écrire ce que c'était vraiment plutôt que ce que ce n'était pas. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. Donc le déni constructif, donc ce qu'on appelait avant le simulationnisme, c'est il s'agit de choisir un canon esthétique pour la fiction. Star Wars, par exemple. Voilà, dans Star Wars. Exactement. C'est un canon, tout le monde sait ce que c'est que Star Wars, tout le monde exactement. A l'idée de ce que doit être une fiction créée à base de Star Wars. Oui, et ce qui va être prédominant pour les joueurs, ça va être véritablement respecter ce canon et voir de pas faire de choses incohérentes vis-à-vis du canon. Voilà, c'est ça. Oui, on peut dire ça. Dans Star Wars créer un personnage qui est habillé en Son Kukai ou alors un chevalier du zodiaque, quoi. Ouais, ou une tortue ninja. Bien plus spécifiquement lié à Star Wars. Commencer à dire que le côté obscur, finalement, il n'est pas si obscur que ça. C'est en fait. Tout ces conneries, c'est manichéiste quand même. En fait, on peut dépasser ça. Ah bon ? Ça fait pas partie de Star Wars ? Ce serait une grosse critique de tout ce que est Star Wars, quelque part. Tu casserais la lutte du bien contre le mal. On rentrera pas dans ce débat, mais je pense qu'on peut faire de très très bonnes parties de Star Wars en cassant le manichéisme du jeu. C'est même pas ce qui est intéressant. Oui, c'est-à-dire que le canon appartient au groupe. Il appartient pas au jeu. Il appartient au groupe, c'est-à-dire qu'en fait. Ça c'est intéressant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si on décide de jouer à Star Wars sans manichéisme. Ouais. Alors si on décide de jouer à Star Wars sans manichéisme, ça reste un canon acceptable. Pour cet univers-là, on modifie un peu les règles, mais on est d'accord pour, enfin les règles du monde, mais on est d'accord pour partager cette différence-là et dire ok, on joue à Star Wars sans manichéisme. D'accord. Ça fonctionne quand même. Ouais. Alors juste un truc, tu t'es passé un peu rapidement dessus, mais je voudrais quand même le signaler parce qu'on voit ça très souvent sur les forums. Tu as dit il y a pas de jeu en fait narrativiste, il y a pas de jeu simulationniste, non, pas de jeu ludiste. Il s'agit d'une démarche de groupe. Donc le jeu ne peut faire que encourager exactement. Voilà, j'ai bien compris. Ouais. Je suis content. Médaille pour Romaric. Je suis pas si nul. Une médaille comme dans 3-16, tu sais. Nombre de morts, nombre de je peux même donner un exemple à ce sujet. Par exemple, on peut prendre un jeu qui a une proposition créative. Alors la proposition créative, c'est je propose quelque chose qui va vous permettre de vous aider à avoir une démarche créative, ouais. Par exemple de type l'histoire maintenant. Donc admettons nous avons un jeu où nous jouons des vampires. Ça c'est l'exemple. C'est classique. Nous jouons des vampires. Donc il y a mille manières de jouer une histoire de vampire ensemble dans une partie de jeu de rôle. Mais admettons que le point de focalisation, ça c'est important. C'est toujours une question de prédominance. Le point de focalisation, ça va être de se demander qu'est-ce qui est moral ou immoral dans le fait de jouer des vampires. D'accord. Ça c'est une démarche créative narrativiste. C'est-à-dire voilà. Que c'est si on encourage le fait que les joueurs se posent des questions sur la moralité de ces actes, oui. On encourage une proposition créative narrativiste. Il suffit pas de leur faire se poser des questions. Il faut qu'ils puissent y répondre. Ah oui. Tel que eux. Le conçoivent à travers leur personnage. D'accord. Donc non seulement leur fait MJ ou même le livre de base. On les engage en fait dans un questionnement moral, vraiment. Voilà, et on leur donne les moyens d'y répondre. Ouais, c'est excellent. Parce que si la réponse est déjà fixée à l'avance, par exemple que révélation finale, en fait les vampires, c'est juste une manière de mettre en évidence le bien, donc il faut qu'il soit là. Bon, fin de la discussion. Bon, ben, ça c'est. Il y a toute tentative de réponse du joueur est quand même passablement diminuée, quoi. Oui. Ok. Et donc ça, ce serait. On a un petit peu fini avec le narrativisme. Mais tu dis story now, c'est-à-dire que dans le narrativisme, enfin dans une proposition créative narrativiste, ce qui va vraiment intéresser les joueurs, c'est comment l'histoire va évoluer en fait. Je dirais même plus précisément, c'est on s'intéresse aux conséquences des actes pour pouvoir explorer la teneur morale avec d'une histoire. Je veux pas le rapport avec l'histoire en fait. Pourquoi story now quand on parle de morale? Eh bien, tout simplement parce que dans la construction d'une histoire, quel que soit le support, on peut parler de livres, de romans, de films, etc., écrire une histoire, à un certain moment, c'est soulever des questions, des problématiques, des thématiques, et par l'intermédiaire des personnages, de la situation, on va amener des propositions de réponse parfois à ces questions-là, ou tout simplement laisser les questions des fois en suspens. Et le narrativisme, c'est véritablement, ou l'histoire maintenant, c'est véritablement appréhender les conséquences des actes des personnages, dans le but finalement, en effet, de créer des dilemmes, des épreuves morales, etc. Voilà. Tout à fait. Alors, dernière, puis après on passera aux questions de Fabien, je pense, mais dernière. Tu veux ajouter quelque chose, Christophe, peut-être? Ouais. Un reproche que j'ai souvent entendu, c'est ouais, mais c'est super intello tout ça. Puis en fait, non, c'est probablement le. Il y a moyen d'être très terre à terre tout en faisant du narrativisme. Je joue un paladin. Voilà, j'arrive à une situation, je suis confronté à la situation suivante. Il y a une veuve que je devrais défendre, qui en fait a commis un péché. Comment est-ce que je décide de traiter cette situation? Est-ce que je la punis? Parce que je la laisse être punie par le méchant chevalier qui veut la porter au loin. D'accord. Alors que je devrais la défendre. Ou est-ce que finalement je la défends malgré le péché qu'elle a commis? D'accord. Typiquement, si elle était une traîtresse, elle avait donné des informations à l'ennemi. Et donc si tout un jeu de rôle est basé autour de ce problème-là... Mais qu'est-ce que je dois faire? Ça n'a rien de très... Enfin, présenté comme ça, il me semble que c'est pas trop... Intello. Voilà, on est dans le truc, je pense que tous les joueurs de jeux de rôle ont connu des phases où ils se sont posé des questions d'ordre moral en jeu de rôle. Après, de là à faire en sorte que toute une partie s'oriente vers ces questions, c'est autre chose. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que souvent on a tendance à se dire que narrativisme, ludisme et simulationnisme peuvent se jouer en tout, dans une seule et même partie. On a des phases de ludisme, on a des phases de narrativisme, on a des phases de simulationnisme. Non, en fait. Ce qu'il faut, c'est que toute une partie soit de telle ou telle manière pour qu'on puisse la dire. Oui. C'est-à-dire que les scènes au cas par cas, on s'en fout. C'est pas ça qui va nous dire quelle est la démarche créative. D'accord. C'est véritablement une logique de création sur sur un certain nombre de cycles. Et surtout, en fait, pour que cette logique de création fonctionne, il faut qu'il y ait de l'approbation en face. Quand on parle d'approbation, c'est de la reconnaissance sociale d'une certaine façon. Par exemple, tu vas dire finalement allez, je la bute cette chienne. Et ben t'en as un à la table qui va faire oh là là, je m'attendais pas à ça, quelle décision horrible. Là il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est au niveau de l'exploration ou au niveau social que le joueur dit je m'attendais pas à ça? Est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est le joueur? C'est le joueur. D'accord. Oui. C'est pour ça qu'on parlait du contrat social. C'est extrêmement important de toujours garder à l'esprit qu'on est des êtres humains qui ont une activité créative ensemble. Je voudrais quand même essayer de donner une espèce de structure à ce podcast, mais c'est pas évident. Fabien, je reviendrai à toi, mais je voudrais quand même qu'on finisse par présenter la démarche créative ludiste. C'est ludiste. Ça ta question. Ouais. En fait, je voulais faire une synthèse de tout ce que vous avez dit jusque là sur le. Ouais, checker si c'est bon. Voilà. Et ensuite, il ne l'a pas présenté. Absolument. Et ensuite, vous invitez à passer au ludisme. Christophe, tu veux en dire deux mots du ludisme? Si tu voulais faire ta récapitulation. On fera la récapitulation après le ludisme. Ouais, vas-y. Le ludisme serait, quant à lui, la proposition suivante. On se donne toute une série de situations où le joueur est amené à résoudre, à surmonter des défis en utilisant son sens de la stratégie. son goût du risque. Par exemple, Romaric, est-ce que tu es prêt à prendre un risque pour ton personnage pour aller défoncer la gueule à ce monstre? Et on parle encore du joueur là. D'ailleurs, il a dit Romaric, il a pas dit Aragorn. Voilà. Je sais pas ça quoi. Ça lui ressemble. au secours, au secours. Donc, au fil des situations où on est amené à se surpasser, à mettre en avant son sens tactique, stratégique, sa finesse d'esprit quelque part, c'est vraiment le joueur qui, comme dans un... Comme des énigmes que le joueur, par son cerveau, doit résoudre dans un jeu vidéo, par exemple. Voilà, il y a de ça. Il y a clairement de ça. C'est-à-dire que c'est le joueur qui peut se féliciter d'avoir gagné le scénar. Voilà, quoi. Exact. Enfin, le scénar, oui, ou bien... L'énigme, enfin, d'avoir résolu l'énigme. Ouais, je suis plus fort que toi, Christophe. On parle de droit de se vanter. On acquiert un certain droit de se vanter, comme dans un jeu de plateau qu'on aurait remporté. Voilà, je suis content, j'ai gagné, je vous ai bien mis. Et ça, voilà, quand ça se passe vraiment au niveau du groupe, on est content, voilà, on s'est donné, on respecte la manière dont les autres ont réussi. On les félicite, on se taquine sur « Ah, j'étais plus fort que toi sur ce coup-là », etc. toute cette dynamique qui garde pour source le jeu de rôle, ça, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas un jeu de plateau. Vraiment, les décisions restent ancrées dans la fiction, dans ce qu'on crée. D'accord. Et ça alimente, comme dans un jeu, vraiment, c'est du jeu de rôle, ça. Quelque chose qu'on a tendance à entendre sagesse rôliste. Voilà, de la même façon que le narrativisme n'est pas forcément un télo, le ludisme n'est pas forcément neuneux, quoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi finalement avoir une histoire extrêmement fine autour d'une partie ludiste. D'accord. Carrément. C'est un autre positionnement de joueur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme. Vas-y. Tu prends un truc comme Death Note, par exemple, en jeu de rôle. Voilà, je sais plus qui est-ce qui, sur Silent Drift, disait qu'il avait envie de développer un jeu. C'est Julien. Moi, franchement, je verrais un jeu Death Note ludiste, dans la mesure où il faut essayer de créer les plus grands calculs. D'être plus malin que les autres. C'est pas un jeu pizza-bière, débile, on va lancer des dés, taper du PMT ou quoi que ce soit. On n'a pas forcément besoin de figurines. C'est un jeu où il y a du calcul, où on peut se vanter d'avoir réussi à niquer le policier qui nous court après avec sa Death Note, voilà. Sans pour autant être dans un jeu foncièrement je lance les dés, j'avance, je gagne 20 000 francs. Je tue des monstres, voilà, ou des trucs comme ça. Ça peut être... Tout à fait, ouais. Donc narrativisme n'est pas un télo, c'est pas mal de... Et autre chose importante, bien entendu, ce ne sont pas des étiquettes. Oui, très important. Ce ne sont pas des étiquettes pour qualifier des gens ou des jeux. Il n'y a pas quand même des gens qui ont envie de jouer... Alors en fait, ce qu'on remarque, c'est que parfois, il me semble que dans le podcast de Nocker sur les problèmes du GNS, il me semble qu'il dit ça à un moment donné. Alors chose importante, c'est que on peut accepter certaines. Alors oui, parce qu'on parle de démarche créative. Quand on parle de narrativisme ou de l'histoire maintenant, c'est une espèce de grand ensemble dans laquelle il y a une multitude de démarches créatives possibles. La démarche créative, c'est la manière dont le groupe va appréhender la partie de jeu de rôle et va construire de la fiction. Et donc avoir une approbation de ce qui est créé. Il y a toujours cette phase de jugement qui est très importante. Mais un joueur peut aimer une démarche créative simulationniste et ne pas en aimer une autre, simulationniste également. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu de personne incapable d'appréhender toutes les démarches créatives d'un mode GNS. C'est-à-dire il y a forcément la possibilité de faire une partie narrativiste qui va plaire à chacun. C'est tout à fait possible. Alors, Christophe. Ouais, attention avec ce mythe de plaire à chacun quand même. C'est mal dit, je suis d'accord. Ce que je pense, ce qui est vrai, c'est que tout le monde a en soi les capacités d'apprécier, enfin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de jouer dans chacune des trois grandes familles de démarches créatives. Maintenant, c'est tout à fait envisageable que quelqu'un n'apprécie pas jouer d'une certaine manière. C'est tout à fait possible que des gens n'aiment pas systématiquement, comprennent la démarche ludiste par exemple, mais n'y prennent aucun plaisir. Ça c'est possible. En revanche, je pense qu'il est possible pour ces personnes-là, malgré tout, de mettre en place une partie qui sera ludiste, mais et qui puisse malgré tout satisfaire ses goûts personnels. Alors sans même rentrer, si non, elle a pas. Bon. Alors, ouais, j'aurais peut-être pas rentré dans les problèmes de fond de tiroir du GNS. Je vous laisse, à la Silent Drift le soin de. Et je voudrais revenir un petit peu à la synthèse que voulait faire Fabien, ouais, qui voilà. va être très saine pour nos éditeurs. Je pense. C'est ça. Donc, vous me reprenez si je me plante. Sur les démarches créatives. Donc, la démarche créative, c'est la manière dont on va s'amuser. D'accord. Donc là, ils sont en train de dire oui. On n'entend ouais, pas, mais... C'est vrai qu'on n'entend pas, mais ils font... Donc, la démarche créative, c'est la manière dont on va s'amuser. Si on dit on va avoir une démarche créative narrativiste... Ça veut dire qu'on va s'intéresser au déroulement de l'histoire et aux choix qu'on va pouvoir faire dans cette histoire. Oui ou non ? Oui, oui. Ok. Dans la création spontanée de cette histoire. Ouais. Spontanée, ok. Voilà. D'accord, le spontané est important. L'histoire ne peut pas être écrite à l'avance, tout simplement parce qu'on a besoin de... d'avoir une liberté de choix et de pouvoir explorer les conséquences de ses choix. Pour qu'une proposition soit créative, encore faut-il qu'il y ait de la créativité. Si c'est le MJ qui crée tout ou bien si entendu. C'est un joueur qui crée tout, il n'y a plus de proposition créative, c'est clair. Alors ouais. Ensuite, si on dit on est simulationniste, ça va être... Non. Hop, hop, ça, hop. On est. Pardon. Personne n'est. Notre démarche créative est simulationniste. Ok. Okay. Notre démarche créative et simulationniste, ça veut dire on va essayer de rendre au mieux un certain univers et un certain comportement de personnages dans cet univers. Donc on peut dire on va, je sais pas, jouer des chevaliers en l'an 1000 et puis on va essayer de se rapprocher d'expérimenter au mieux, de vivre au mieux cette manière de vivre, de penser. Oui. Ok. Toujours acquiescement de tête. D'accord. Et enfin, si on dit on va avoir une démarche créative ludiste, ça veut dire que ce qui va nous intéresser, c'est de résoudre des énigmes et... Non, pas forcément. Alors, j'aimerais de prendre ouais. des bonnes décisions, bonnes au sens de stratégiquement les mieux adaptées et dont on a le droit de se féliciter par la suite. D'accord. Et c'est compliqué, mais... Et donc il y a une dimension dans le ludisme, il y a une dimension de concurrence entre les Ouais, les t'as joueurs. Gagné, quoi. Oui, mais ce n'est pas exclusif au ludisme, la compétition, tout ce qui est concurrence, compétition. D'accord. T'as une oui. compétition mais plus forte dans le narrativisme. Et puis dans le ludisme, il peut s'agir de concurrence entre les joueurs, de concurrence de tous les joueurs contre le MJ, contre le scénario, contre les énigmes préparées, etc. Okay. Ce n'est pas forcément. Je suis contre mes potes qui sont joueurs aussi à la même table que ça moi. Ça marche. Alors voilà, donc t'as bien, ça va ? Tu ouais, penses avoir bien compris le truc ? Ça, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ok. Le big model, est-ce que ça s'arrête ? Christophe, tu voulais ajouter quelque chose peut-être avant de repartir ? Ouais, juste rappeler qu'en fait, dans chacune de ces trois grandes familles, il y a beaucoup de déclinaisons, d'adaptations possibles. D'accord. Et que. Ouais. Il y a une chose aussi, c'est qu'on parle à un niveau très global. Ouais. On peut se demander aussi pourquoi on fait cette distinction. C'est absurde. Dans mes parties, je fais un petit peu des trois, je mélange, etc. C'est une question de logique en réalité. Le jeu de rôle est une activité qui a un côté social, un côté fictionnel, un côté ludique. Ça ne veut pas dire forcément que si je fais du ludisme, j'enlève les deux autres. C'est complètement absurde. En réalité, c'est simplement une focalisation sur un élément. De comment dire de j'ai besoin d'un coup de main là. sur un positionnement, une logique de création, voilà, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, et finalement non, on vient à la qu'on question va, à quoi ça sert, voilà, ce dont on va se rendre compte, c'est que certains joueurs si jamais on n'a pas véritablement de logique globale, il peut arriver que certains joueurs prennent des décisions qui vont contrarier les décisions d'autres joueurs. Donc par exemple, venez, il faut absolument qu'on tue le boss. Il y en a un qui va dire, je vais essayer de faire au mieux pour relever ce défi-là. Si à côté il y a l'autre qui dit mon père, tu te rends pas compte, je ne peux pas faire ça, c'est un acte immoral, etc. Il risque d'y avoir une véritable contrariété en fait entre ces deux créations, ces deux propositions dans une même partie. On a d'une part l'un qui est ludiste. Et l'autre qui est... Et non, parce qu'il n'y a de démarche créative que si tout le monde est d'accord. Si les gens n'arrivent pas à s'harmoniser, il n'y a pas de démarche créative. D'accord. Mais il peut y avoir des envies de la part des joueurs qui n'ont peut-être pas été discutées avant la partie, mais quelqu'un qui fondamentalement aurait envie d'être dans une démarche ludiste et quelqu'un qui aurait envie de participer à une démarche narrativiste. Et ensuite, justement, au fil de la partie, on va retrouver cette incompréhension fondamentale sur la démarche. Si ça vous dérange pas trop, j'aimerais bien quand même le cas GNS effectivement est un cas très très intéressant, un élément un peu sexy du big model et qui a fait couler énormément d'encre virtuelle, etc. je pense qu'on peut maintenant peut-être passer à autre chose. Le big model, c'est pas uniquement ça, Christophe. Non. C'est aussi, vous disiez, le système est important tout à l'heure. On en a pas beaucoup parlé, alors que pour moi, en tout cas, ce qui m'a séduit quand j'ai entendu la première fois parler du big model, c'est cet aspect-là. Le système est important. Pourquoi est-ce que le big model montre que le système est important? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? Est-ce que ça l'assomme direct? Je vois Christophe qui lève les yeux au ciel. Eh bien, on peut dire tout simplement que on parlait de proposition créative, donc à différencier de la démarche créative. La démarche créative, c'est celle du groupe. La proposition créative, c'est ce que le jeu va mettre en œuvre pour éviter de proposer des choses contradictoires en termes de, pour les joueurs en termes de démarche créative. Donc un exemple, si jamais les joueurs veulent relever des défis, il va falloir que l'ensemble des propositions, des règles du jeu, de l'univers, etc., le soutiennent s'il veut que ça puisse fonctionner. Parce qu'au final, si on ne propose que des situations morales alors qu'on veut relever des défis, ça ne peut pas fonctionner. Il va y avoir un moment où ça va coincer. Donc le système, on le définit comme donc, le principe de l'unplay, c'est le système, c'est la manière dont les joueurs se mettent d'accord pour prendre des décisions pour faire avancer l'histoire. D'accord. Okay. Ouais, les événements imaginés, parce que l'histoire, on vient de l'associer à narrativisme. D'accord. Ah oui, de manière générale, pour faire avancer les événements. Bien vu, Christophe. Oui, bien que, il y aura encore des discussions à ce sujet-là, mais... ce sera pour un autre podcast, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est important parce que ça signifie que le système, quand on parle de système donc dans cette théorie-là, on ne parle pas uniquement du système de résolution. Est-ce que je lance des dés? Est-ce que je ne lance pas de dés? Est-ce que j'ajoute mon bonus de carac ou pas? En fait, ce n'est pas que ça. Au début, moi, avant de vous rencontrer, pour moi, le système de jeu, c'était uniquement ça. Est-ce que je lance des dés? Ça se joue avec ou sans dés? C'était tout. Par exemple, la position, le rôle du maître de jeu ou le rôle des joueurs autour de la table, pour moi, ça faisait pas partie du système. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, bien sûr... C'est primordial. C'est-à-dire, en fait, c'est qu'on a des présupposés au niveau du jeu de rôle. On pense que le jeu de rôle, ça se passe comme on le pratique. Ouais. Et que c'est naturellement comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un bien fou dans les conventions. Et ça, je me souviens de l'intervention d'une des membres d'Eclipse dans le podcast de La Cellule, dans un podcast précédent, qui disait, ce qui est super important en convention, c'est découvrir d'autres habitudes de jeu. Ou d'autres pratiques. Et c'est dans les conventions qu'on s'aperçoit qu'en fait, personne ne joue au même jeu de rôle. Mmh. Et donc, du coup, de mettre dans un livre de règles quel est le rôle du MJ? Est-ce que c'est un guide pour ses joueurs ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui tend des pièges? Est-ce que son rôle c'est de récompenser les joueurs pour telle ou telle chose? Par exemple, il va devoir donner des points d'héroïsme s'il y a des choses qui lui plaisent? Est-ce qu'il va devoir récompenser les joueurs pour telle ou telle... C'est capital, merde. Ouais. C'est le système, carrément. Ça fait partie intégrante du système. Ouais. Et quand on a réalisé ça, moi en tout cas quand j'ai réalisé ça, ça fait la tour s'est effondrée quoi. J'ai toujours tendance à exagérer. Mes amis m'appellent le Marseillais, mais bon voilà. Je dirais un des points importants du système, c'est ce qu'on appelle le truc impossible avant le petit déj. Ah, et justement, ce podcast est enregistré avant le petit déj. je sais pas si c'est directement rattaché au big model. C'est pas. Disons quand Ron Edwards a identifié ce problème dans, au cours de ses réflexions sur le jeu de rôle, donc oui. Mmh. Alors, c'est quoi? Alors, le truc impossible avant le petit-déj. Partons d'abord d'une définition de ce qu'est une histoire au sens général. C'est, en fait, on suit les actions d'un protagoniste. Un protagoniste a un objectif, et pour atteindre cet objectif, il va rencontrer des obstacles sur son chemin. Des épreuves, des obstacles. Et donc, en jeu de rôle, il y a une croyance relativement répandue, ouais, qui dit que le maître de jeu a le contrôle de l'histoire, et les joueurs ont le contrôle des personnages principaux de cette histoire. D'accord. Ce qui, en fait, est un problème. Parce que Christophe qui frappe un paradoxe. Ses points l'un contre l'autre. C'est un paradoxe, puisque la définition d'une histoire, c'est que l'histoire se construit en fonction des actes des personnages principaux. Donc si le MJ a déjà prévu les actes que vous devez jouer, eh bien en fait, en quoi est-ce que vous avez le contrôle finalement sur vos personnages qui sont censés être le moteur de l'histoire ? C'est dingue. Donc en fait, le truc impossible avant le petit-déj, c'est juste toutes les problèmes. Enfin, moi souvent, quand je lis sur des forums ou des questions que se posent les rôlistes, tout tourne autour, enfin, tout, très souvent, ça tourne autour de ce rapport entre la liberté des joueurs confrontés au déterminisme du MJ. Ouais, tout à fait. Quand on parle de dirigisme, c'est ouais, exactement, par exemple, un truc impossible avant le petit-déj. Oui, ouais. Enfin, ça dépend. Dirigisme, c'est un mot qui a un nombre de significations assez vaste. Le truc impossible avant le petit-déj a une définition relativement précise, malgré tout, et propose un certain nombre de solutions pour régler ce problème-là. C'est-à-dire comment aider le maître de jeu à avoir une préparation... Ça, c'est Ron Edwards, le truc avant le petit-déj. Bah, c'est sur The Forge, il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Je suis presque sûr que c'est lui qui a inventé ce terme et qui en a parlé en tant que tel. D'accord. Maintenant, effectivement, le problème sous-jacent, bah, des gens s'en rendent compte depuis le début du jeu de rôle, je pense. Mais... Ouais, d'accord. Ouais. Enfin, ouais, c'est ça aussi. On dit que Ron Edwards a défini ça et ça. Il prétend pas avoir inventé ces choses. Il se trouve qu'il les a identifiées, qu'il en a parlé. D'accord. On dit pas que le narrativisme n'existait pas avant qu'il le décrive. Bien sûr. Petite parenthèse. Et donc ce dont on se rend compte, c'est que les techniques qu'on utilise pour écrire un scénario vont peut-être pouvoir nous aider à certains moments à improviser, si jamais les joueurs décident d'actions qu'on n'a pas prévues, etc. Donc en fait, bon, ils ont identifié un certain nombre de manières de préparer les parties. Alors bon, de mémoire, il y a différents principes. Il y a la scénarisation par bang. Alors il s'agit de préparer des situations complexes dans lesquelles le joueur est catapulté et doit faire des choix. La scénarisation, enfin, tu as présenté le problème. Je pense qu'on va peut-être pas rentrer dans le détail, d'accord, parce que les principes de scénarisation, ça pourrait carrément faire l'objet d'un podcast. Il y a des choses à dire. Si on commence à parler. Donc tout ça pour dire qu'en effet, les techniques, c'est bien d'avoir présenté le problème. Le MJ, est-ce que voilà, la transparence des techniques du MJ ou l'opacité ou la manière dont il scénarise ou prépare et laisse du lest aux joueurs, ouais, tout ça c'est d'une importance capitale pour le déroulement de la partie. D'accord. Ok. Fabien, est-ce que tu as d'autres questions à poser à nos spécialistes ou est-ce que tu es rassasié? Je te vois rebu là. Ouais, là je suis en train de digérer. Alors. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Christophe, est-ce que tu voulais signaler d'autres choses sur le Big Model, des choses qui te tenaient à cœur, dont tu aurais voulu parler éventuellement sur l'exploration, dit Frédéric. Frédéric, toi, je sais qu'on peut plus t'arrêter dès qu'on te parle. J'ai vu des conversations jusqu'à 7h30 du matin. Là, je pense qu'on a fait un bon tour des problématiques, des grands sujets. Des grands sujets. On pourrait effectivement entrer dans le détail de l'exploration. On pourrait entrer dans le détail de différentes techniques qui sont plus ou moins réparties sur comment est-ce qu'un joueur prend ses décisions en cours de partie, est-ce qu'il va rester. C'est possible, mais je propose de diviser ce podcast en deux parties à ce moment-là. On s'arrête ici et puis on publiera une autre partie la prochaine fois. Pour laisser un peu nos auditeurs accuser le coup, se renseigner eux-mêmes. Il faudra qu'on mette des liens tout à fait, dans le biais qui accompagnent. Oui, je vous préviendrai sur ce nombre à ce moment-là. Et puis on fera ça. Bon, en attendant, on va laisser nos auditeurs digérer un petit peu tout ça. Ciao! Allez, jouez bien surtout, c'est ça qui compte, parce que là, si vous commencez à... Mais franchement, intéressez-vous à ces histoires de big model. Si vous êtes créateur de jeu, si vous êtes joueur, si vous avez des soucis, si vous rencontrez des soucis, toutes ces questions peuvent vraiment énormément vous aider à problématiser, à verbaliser vos problèmes. Et enrichir la pratique. À enrichir votre pratique, exactement. Ça ouvre des perspectives. À créer. C'est vraiment très très intéressant. Et je pense que tous autour de la table, on peut confirmer que le big model nous a un peu ouvert les yeux à certains moments. Donc voilà. Allez, jouez bien. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.